إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله pour nous des rencontres pour ça mon cher frère et sœur ensuite prochaine fois qu'il nous besoin c'est lundi le 11 novembre inshallah nous continuons ça que nous tu prends la dernière fois وبيسينو كون طريقان اكشن كرسول صلى الله عليه وسلم تيمون دو منبر ادي فين دون بان بريديكشن كي الله سبحانه وتعالى فين تيلي كوني كي كتو كومونس ترو سا بان اكشن لا لي لا في دي نو كون كومونس تيموين سا ان ابري لوت او تو نو كابا في تيموين pas nécessairement action là c'est un péché action là n'est pas un de bonnes actions qui de coup de la vie divine mais seulement connaissez pas une bonne action qui doit prendre place et si elle nous connaît ça les mots n'a pas fini chers frères et sœurs quand nous étudions la dernière fois je vous trouve qui pourrait n'a pas du monde vous êtes pour faire une conférence pour faire une délégation etc. pour nous guetter comment capable de porter ça les mouna, ça pas veut dire que ça que je peux faire là par vous. Non. La prière Allah subhanahu wa ta'ala pour Allah, c'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut envoyer ban sahaba pour la guerre, les diesel, et qui personne pas qu'à entrer dans ce ciné. Qui personne pour nous dire qu'on peut aller dans ce ciné, quand nous avons fait un café, ça veut dire que c'est le pour moi. Non. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qu'il même une personne pour une arrivée d'une des racines un pied qui devrait retourner dans ce place. Retourner dans ce place. Nous pas besoin de souvenir international de l'environnement pour nous comprendre qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala c'est un droit de chaque croyant pour les protéger. Pas besoin de ça. Si nous retournons vers nos dînes, nous connaissons qu'il y a une petite chose que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit fait nous connaître, c'est en tant qu'un croyant, de l'oulatir Allah, de l'invigéra Allah subhanahu wa ta'ala, un khalifa, au don de là, pour une bonne action qui te besoin faire, même par toi qui bénéficie avec lui. Mais ça, umma qui peut continuer à venir après là, les autres bénéficient avec ça, c'est-à-dire. Les autres bénéficient avec ça. Chers frères et sœurs, ce qui nous a dit la dernière fois, c'est quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous trouver dans une réalité qui nous donne un point dans ma le monde nous peut vivre, mais Dieu c'est ban assoir, ban sourd, ban place, comme on nous dit, sous un seul toit, nous gagnons tout quelque chose qui nous besoin. Il y a ta arabe, mais Dieu, ça ban quelque chose à vivre. Je viens bien près, ou saute dans un coin chemin, ou dans l'autre coin chemin, ou dans un supermarché. Ou virer ou descendre, ou dans l'autre supermarché. Nous pas fait cause des micros, nous fait cause des généralités, là, là, non. Nous fait cause d'un supermarché qui, quand nous existe dans sa place qui nous restait là, nous pas fait cause d'un tabac, mais non, d'une place qui ressource, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'appelle comme asseoir, c'est une place qui est incroyant, un démon, tout un bêtise qui est bizarre, lui vient sous un seul toit. Pour aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous commençons par une bonne signe qui est avec nous. Nous avons aussi beaucoup, mais juste pour nous comprendre la réalité des choses, c'est une de bonnes choses qui, quand il fait prendre place, Alhamdulillah, nous trouve-lui. C'est une bonne action. Rasul sallallahu alayhi wa sallam hadith rapporté par Uthman radiallahu anhu lui dit man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fil jannah. C'est lui qui arrange un masjid pour Allah l'oulatir Allah subhanahu wa ta'ala arrange la case pour lui de Jannah. Elle m'a dit, quand il dit nous arrange, elle m'a dit, chers frères, c'est pas beaucoup bizarre à l'heure de la fille là. Mais vous avez à l'heure de se contracter, à l'heure de marcher tout ça là. Non! Ça va nous aussi arriver. Mais au moins, nous pouvons dire, et la construction, elle m'a dit, vous contribuez là-dedans. C'est pour moi, ben, ce qu'ils nous appellent Sawab ou Jariya. Ben, une bonne action qui, Jariya, je continue, même après mon amour. Mais seulement, nous disons bien, mais seulement, quand nous disons, Mazid là, puis arrondir, Alhamdulillah, dit bon. Parce que, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans. Mais quand nous disons, aime, sauvez mon frère, le hadith là, nous disciplinons. Sans 10 personnes. M, quand vous êtes à la tête de Mazid là, vous avez un gros point d'interrogation de vous. Quand vous êtes à la tête, ça qui nous appelle membre comité. Ensuite, des jeunes, quand vous êtes Mazid là, même lui. Quand vous rentrez, vous êtes, prends les guettés, je parle de Mazid là-bas, oui, Mazid, ça prend. Mazid, c'est Mazid, quand le prophète qui me causait, il n'y a pas une épargne auquel Mazid, tout Mazid rentre là-dedans. Quand on rentre dans ma vie là, on dit, est-ce que ça m'a dit là, peut amener au fond de vous pour rapprocher avec Allah, ou bien c'est une décoration pour que vous vous trouvez? Qui nous veut trouver aujourd'hui? Quand on rentre dans mon masjid qui m'a fait arranger, faudrait en premier quand vous êtes sa robinet là. Mashallah. Oui, dis bon, mais seulement est-ce qu'il vraiment, qu'il disait, mais ça quand il est robinet là? Quand vous êtes mort qui m'a fait servir, quand vous avez des décorations qui m'ont mis en dans mon masjid, au fait, je vais faire lui pour me différencier mon masjid avec, ben les jeunes. Et là, quand on rentre dans mon masjid, il y a une carte de ici. Il y a une carte de mina ici. Il y a une carte de mina ici. Il y a une carte de mina ici. Il y a une carte de mina ici. Parce qu'il est trop habitué à rentrer devant le masjid quand vous êtes sur colonel. Machallah, c'est garanti ça. Le colonel, même quand vous êtes à l'école, en allant au lapin de descendre, et ça, je dis, il dit, vous qui êtes, il risque de masjid. Chers frères, nous imaginons, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parmi ce bon compagnon, un navire avec lui, il dit, ya Rasulallah, comme moi, je dors, si je dors, et il a parmi ban la boue, qui reste le bouffon, la boue, la boue. C'est alors sur ce qui me casse celui-ci. Au fait, nous voyons des causes de Mas'ala qui vient de ce hadith-là, mais qu'est-ce qu'il nous présente devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, veut dire à cette époque-là, quand je suis fait faire, si je dis, quand je suis fait faire, le la boue, le la boue. Et si je ne disais pas ça, c'est la tienne, jour là, ou bien après la mort, là. Il dit, comment arriver là? Une vie n'est pas aspirateur, on va faire, aïe, c'est bien. Que nous avons dit? Une jolie vie n'est pas aspirateur. Tout nous tirer là. Chers frères, quand nous quittons la réalité, nous retournons vers Hadith qui trouve dans Nasa'i. Que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, min ashraqi sara, en yatabar an nasu fil masajid, parmi bansi, qiyama, en yatabara, nous vous venez avec le mot annasu fil masajid. Donc, pour ben du monde faire cette action-là devant le masjid, quand demander c'est quoi, il dit bizurru fatiha. Je dis go masjid. Je fais compétition dans des go masjid. Qu'est-ce qu'il est faux que l'idée de ça? Dans l'époque, quand tu compétais, si je t'avais battu au labou. Dans l'époque, quand tu compétais, si je t'avais battu au labou, cher frère. Sa prophète là peut dire nous, pour arriver à l'époque quand vous arrange ma vie, Bandimouna vous donne priorité quoi? Décoration qui vous met dedans? Pour mettre dans ma vie. Est-ce qu'il est loin qu'on en trouve ça? Est-ce qu'il est loin, ya Rasulallah? Ça qui t'en dira, nous, les domoristes, nous avons des pauvres. Nous, on demande si à mon nom. Bizarre d'abord, il y a pas tout seul, vous trouvez ça? Est-ce qu'il ça sert bien de vous dire de ça, Maurice là? Comme il m'a dit, quand il a arrangé, chers frères, comme il m'a dit, nous connaît, pas l'intention, nous pas là pour viser l'intention, mais l'action, c'est juste une compétition qui te peut faire là-bas. de partie nécessaire pour sa mandat, sa conseil grandiose là. Parce qu'il bâtit qui te restait, comme les musulmans te sont capables d'accueillir. Comme quand il dit à lui, pas comment ça va et qu'il dit, mais moi, tous les temps, le mandat rempli. Parce qu'il vient juste du monde. Il vient juste du monde. Tout peut aller droit, oui. Tout peut prendre le mandat rempli, ma salle. La cause, non. Ils amènent une divine, une bateau imam, avec moi, d'une, avec 4 ou 5 ou 5, ils veulent dire, pas de chance, bateau 5 et 10. Ça n'est pas de civil. Chers frères, que Allah subhanahu wa ta'ala te dit, إنما يعبر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش أهلا إلا الله. Certainement, ban qui vous dirige, ban qui vous dit, ban qui vous prend la décision là. Et qui vraiment bien met sa carte robinet là. Vous connaissez qui ban ça? Parce que car ça, dit mon âme, vous donnez lui. Allah subhanahu wa ta'ala met ban condition avec sa dimouna. Le diamant amana billahi wal yawmil akhir. Petite chose. Commencez cet antithème qui est la croyance de Allah. De dire qu'il connaît ça la caraza, il va faire arrange pour lui là. Pas qu'un ami demain, quand même on prend une décision pour arranger ma vie dans sa façon là, demain je me suis demandé au comité. Ok. Moi, pas de problème ça. Parce qu'il me dit de parmi, il va me condamner, mon récompense pour continuer moi. Parce que c'est là-bas qu'ils m'ont fait atteindre récompense. Et non pas qu'il faudrait du monde la terre à moi, ou même nous d'avoir une femme dit là, non, ça ne m'a pas l'air. Ça ne m'a pas l'air. Qui m'a fait moi, qui fait moi la guerre pour qu'elle ne rentre ma vie dans sa place là, parce qu'ils m'ont la croyance en Yom Akhir. Je connais un jour mon bien sûr récompense. Troisième, wa aqama salat. Je fais cela. Je fais cela. Si nous mettons un cahier, un livre, vivant la peau, tout dans le marché qui est là. Comité, quand on rentre, mon comité de signer. Pour pas dire, de signer. Après un mois, elle ramasse cahier là. Ou quand on s'en va encore à l'école. Je connais. La vie, je me souviens. Prends le général. Le bécose, l'eau, c'est lui qui vous prend une décision qui vous fait pour la case à la mort. C'est nous prendre un cahier, nous mettre devant la peau, tout le monde comité qui va rentrer. Je signe pour pas dire. Chers frères et sœurs, cahier là pour le signer. Nous connaissons pas ici. Nous avons cause pour ici. Mais en général, comment y était. Troisième condition qui Allah subhanahu wa ta'ala mettait pour un comité masjid. Est-ce que vous connaissez ça? Dans le Coran, il y a condition pour ouvrir le membre comité masjid. Est-ce que tu connais ça? Depuis combien de temps Allah subhanahu wa ta'ala indique ça sur la neuf sur la tawba ayat numéro 12? Depuis 400 ans de cela. Wa ata zakat, quatrième je donne zakat. Mais dire s'il arrive la quantité, l'isop, etc. Mais dire pour détendre ce chemin Allah, je parviens. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala mettre sa quatrième condition là? En deux mots, zakat, je suis fini, habitué, je suis retiré, je vous donne ça d'accord, chef. Je vous donne ça d'accord. En deux mots, deuxième condition, c'est croyance dans le jour qiyam. Quatrième condition, c'est de donner zakat, de dire qu'on peut arriver à une petite place pour combler, pour faire compte d'une roue pour dépenser de ma vie. Il y a déjà bien sûr une pièce de ce possible de tranquille. Il y a déjà bien sûr une. La conseil met sa quatrième condition là avec lui. Pas pour m'avoir fini, mais c'est pour m'avoir dit, bon, j'ai un petit bout de fois là pour moi là, hein? Je m'en dis pas pour régler ça à moi là. Oui, c'est une grosse somme, le rat, ça me casse. Mais seulement, parmi les bonnes conditions qu'il mettait pour me prendre ça, c'est qu'il m'a une personne qui, alhamdulillah, m'a habitué de zakat. Ensuite, cinquième, voilà, n'yakcha illallah, je parle des personnes excepté à moi. Mais Dieu, c'est là pour prendre décision. Vous connaissez la case d'Allah, ça, donc bien content, ou puis envie d'offrir une petite chose, mais seulement ça, quelque chose, la femme qui demande, qui ça sourit. Ah, qui dit, bon, vous dites, mais pourquoi ça n'a rien? Parce qu'ils m'ont pas responsabilité pour tenir la case d'Allah. Chers frères et sœurs, si Allah pas content, une petite chose, mais moi, je laisse ça rentre sur la case. Mais pas pour les savants, rentre sur la case. Quand nous quittons cette ayat-là, ensuite nous quittons ban hadith qui est attaché avec les chers frères et sœurs. Premier parmi ban hadith, c'est quoi? C'est ban décoration qui vient de masjid, ban décoration. Et pourtant, il y a comme les hadiths qui avertissent nous concernant la gravité des masjid. Dites-moi, vous décollez pour ce moquet. Guettez-moi, vous décollez à l'extérieur, là-haut, sous colonne, sous encadrement. Guettez-vous. Mais c'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parmi les raisons qui s'élèvent à interdire, nous, chers frères et sœurs, c'est qu'ils existent pour qui ça nous salue là, sa personne qui peut faire namaz là, sous concentration, pas aller de namaz. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça qu'on trouve Abu Darda, radiallahu anhu, va lui dire, Iza zuwektum masajidukum, quand je trouve cette masjid, puis commence à embellir, c'est une bonne embellissement. La haine. Déjà, je connais qu'il dit, wahallaytum masahifakum, et je vous trouve ce bonne mushaf, une bien jolie. Alors, il devait trouver. Mais depuis l'époque, pas même de ça. Aujourd'hui, on trouve un mushaf, couleur rouge, roulant, couleur bleue, couleur jaune. Donc, c'est bien joli, machallah, il coule, il multicolore. Et pourtant, ça même avertissement, il de nous là. Quand on trouve ton masjid, tu commences à décorer un embellissement. Quand on trouve ton mushaf, pour un petit lien là, il n'est plus noir sur le blanc à terre, il multicolore le blanc, il dit atteindre de destruction à terre. Atteindre de destruction. Chers frères, nous pouvons vivre ou non? Nous pouvons vivre ou non? Des bons avertissements que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il finit prévenir non. Oui, si nous écrit, au fait, nous trouvons certaines facilités, dans le sens qu'il fait nous connaître, que ça faisait faire ou non, que ça al-qala, que ça bizarrissait, que ça libré. Mais seulement à travers sa couleur là, nous réalisons que ma couleur là, venir nous connaître, qui vous faire là. C'est pas la pratique de lecture, ça. C'est pas la pratique de lecture. Mais seulement l'embellissement-là, une vigne. Dans Moussafla, oui, non. Une vigne, chers frères. L'embellissement-là, une vigne dans Moussafla. Nous continuons, chers frères et sœurs. Pour aujourd'hui, alhamdulillah, ce qui nous vient guetter, c'est qu'un Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut finir prévenir nous. Attention que se trouve une compétition pour embellir une masjid. Qu'il y soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur, Adam, qui s'allait mon âme pour finir. Chef frère, quand Jibril alayhi salam, il pose le prophète sallallahu alayhi wa sallam question concernant ban signe du jour qiyama. Ban signe. De là, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam répond, لجيه وأن ترى الحفاة غراة ذراع الشاة ويتكاولون في البنيان. رسول صلى الله عليه وسلم فرش فرسه لكوز عربي لكوز عربي يبقى كوزي ده فرابول نو مي كوزي ان فاسو كي ان فوايان او فير دي تان. Au fil des temps, quand il écoute ça, il réfléchit à ce que le prophète nous a dit. Il n'est pas gagné directement comme ça. Il n'est pas gagné directement comme ça, il a le prophète nous a dit ça. Non! Mais seulement, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'écrit d'une façon qui, au fait, fait lui connaît, fait nous connaît, mais essayer de réfléchir à ce que nous a dit. Wa antara al-kufat. Poufat, c'est un dimon qui est la soulier. Il est la savate, il est pieds nus. C'est une personne qui est pieds nus. Imaginez-nous, quand on peut dire nous, ça va aller, il paye la savate, il paye la soulier. Vous comprenez? En d'autres mots, il trouve de bonnes catégories qui paye, non? Rorote. Rorote est bien nu. Il est nu, il vient à l'infi. Lira Asher, Lira Lia, veut dire, l'Ikouma NBLG qui peut prendre compte, Asher, c'est ban mouton. En Kiken, de ça l'époque-là, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est causé, il permet une banque qui défendit en premier pour attirer toute l'attention, comme l'exemple, ensuite ça des âmes. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous, celui qui rentre dans ma digue, il fait 10 rakats avant d'y accuser. Il y a absolument, comme on dit, il y a des chamelles pleines. J'ai l'impression que je suis encore Tamil, moi. Pourquoi je suis en Tamil, la cabochon, il veut voir. Oui, parce qu'il a ce qu'il a, moi, il comprend, il a, moi, qui fait un Tamil, plein. Mais si nous retournons dans l'époque qui dit Pédia Salah, un chamel plein, cher frère, en d'autres mots, dans quelques semaines, il faut mettre bas pour faire un autre petit chameau encore. En d'autres mots, nous pédions pour acheter la chronique pour de nous, pour NZK, pour de nous, NZK. Ça va y aller qu'il y a un chamel plein, là, et tu peux manger pour millions. Ça dira qu'à tout fait de manger pour 10 millions. Cause au capacité. Ah, millions, je dis à la Astère. Dans mon époque, je ne comprenais pas millions. Dans mon époque, je comprenais un peu par l'Ambourgini. Je comprenais un peu par l'Église. Mais c'est vraiment ça, moi, je comprends. Mais de fait, il faut que là, quand je dis, ben là, ça, moi, je connais plus grand récompense, plus grand quelque chose qui est indiqué à Tan. Pas un million de rien dit. Et pas ça, moi, jamais. Mais j'ai dit, ben, d'autres situations encore. Ben, moi, des points. Là, de fait, il faut que là, ben, je comprends. Pari comme ça même que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire un petit peu dans sa patte, il peut dans l'ins, il peut contrôler le mouton. Mais vous contrôlez le mouton, vous êtes digne. Non, parce qu'un petit peu qui contrôle le mouton à cette époque-là, c'est parmi les banquiers là, puis eux, d'Arajana. Qui fait? Parce qu'il faut arriver pour faire un rive, pour faire un walima. Qui la peine va n'a servi? Mais ça l'époque là que tu n'as pas la famille là. Ben là, vous avez des boutons là, oui non? Tout bon petite chose qui vient attacher à quoi? Comme Afrique vient, ben là, vous coupez quoi? Ben là, vous coupez mouton. C'est un qui n'a pas, qui travaille plus neuf qui tient de ça l'époque là. C'est soit un mouton, je c'est soit un mouton. En deux mots, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous un petit qu'un petit pays n'a ça va qu'il paye un soulier. L'IPNA l'est, mais c'est le mot qui était dans la société. Il y a une plus haute. Il y a une plus haute de la société. Non, il y a une l'IPNA. Si j'aime faire, c'est l'IPNA. Si j'aime faire l'IPNA. Mais c'est le mot qui a une petite chose qui l'IPNA contrôlée. Une petite chose qui sous son responsabilité. Faut en question, mais quand on est cette heure, comment, quand on arrive à Haute là, qu'est-ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui me dit à l'époque là? Parce qu'il faut un petit peu. Et dans sa quantité de moutons là, à cette époque là, mais il vient travailler, ce papa, ce dada, il y a une petite pouline, jusqu'à ce qu'il n'y gagne. Si il y a un mouton, il vient à l'aise, parce qu'il y a un mouton, il va dans le mouton, il y a c'est. Là, non, il y a un mouton, il m'a dit, il n'y a que ça mouton là. Mais dès qu'il y a un petit peu, régalé, il faut tout là. Mais seulement un coup de troublis, et dans sa route là. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, dans le pays-là, nous avons pris un microscope pour voir que ça a mis ta carte à piquer là. Est-ce qu'il faut besoin de prendre un microscope pour aller connaître ce que le prophète dit là? Quand nous prenons un petit possible, il y a un lot mille. Un lot mille ou bien mille lot un. Laquelle qui nous est là? Quand nous trouvons qui occupe une pose bien haut, ensuite, quand nous voulons de qui tu étais dans le passé, non, ni. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam continue en place, chers frères et sœurs, et lui dit wa yatata wa luna il bunyan. Ensuite, on vous trouve ban dimoun, après avoir qui pourrit une catégorie qui je commence au kit ban poski, au fait je crois qu'il méritait même, on vous trouve ban les autres, dans même l'époque, je commence yatata wa luna. Tawa la yatata wa luna, mais Dieu fait une pli haute. Il bunyan. Bunyan veut dire bâtiment. Quand nous quittons ce hadith-là, nous retournons vers la parole d'Ibn Hajar. Ibn Hajar, c'est qui ça là? Chers frères et sœurs, nous prenons le hadith qui est dans le Sahih Bukhari. Prenez comme connaissance, comme on dit à chaque fois. Il faudrait qu'on arrive lundi, comme on rentre et comme on sortit, au moins une connaissance en plus pour nous gagner. Je connais mon arrangé de vendre et d'augmenter. Prenez comme ça. Si vous posez une question, qui premier hadith de Sahih Bukhari? Vous devez dire. Oui, je l'ai passé, nous devons dire. À partir de là, chers frères et sœurs, premier hadith qui trouve de Sahih Bukhari, Imam Bukhari, Rahimahullah, Yamin, premier chapitre de ce livre, Ba'ul Wahi. Comment Wahi commencer? Comment Wahi commencer? C'est à partir de là qu'il commence de faire hadith. Ça, premier Yamin. Dernier hadith qui est amené, C'est un hadith qui, alhamdulillah, nous connaît. C'est qui hadith que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit des mots, léger l'eau la langue, l'eau de balance, qui a l'applique au temps. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, Sahih Bukhari tamin amin. Sahih Bukhari tamin amin. Il y a environ 8000 hadiths en tafsir. Il y en a environ 8000. Qui fait nous dire environ? Parce qu'il y a un hadith qui est répété, mais c'est pas quoi il répétait, il y a un chachitement là-dedans, il y a un autre coup parole là-dedans, de l'essence qui connaît la minute d'un chapitre, il y a même 10 sabots qui concernent ce chapitre-là. Même hadith, quand il y a une épée devant, dans notre chapitre, il y a même 10 bouts qui concernent ça, ce chapitre-là. C'est pour ça qu'il ne voit bien les chiffres exacts comme les hadiths là-dedans, de Sahih Bukhari. Et là, ça va dire, oui, même hadith, ça par contre, lui. Et là, dire, non, avec des falines unies, ça parle des circonstances. C'est ça, c'est pour ça qu'il le trouve là, exactement comme les hadiths, ou là, nous, quand il y a une chose, il nous comptait, oui, vous ne trouverez pas ce même hadith des trois fois. Vous comptez une fois, vous comptez des fois, vous comptez trois fois. Mais ça qui est avec nous, c'est quoi? C'est comme on connaît, ben hadith qui n'a de Sahih Bukhari. Ensuite, moi, je connais qui est une personne qui s'appelle Ibn Hajar. Rahimahullah. Ibn Hajar, c'est qui ça là? Ibn Hajar, cher frère et sœur, pareil, comment nous apprenons Ibn Kathir? Quand nous allons dire Kathir, qui nous imaginons? Kathir. Comment nous tentons Ibn Hajar à côté aujourd'hui, Inch'Allah, connaissez lui-même qui explique Sahih Bukhari, qui sa oumala en entier, inaccepté, ça va être quelque chose, l'indien, concernant un livre. L'inaccepté, il explique tout hadith qui est là-dedans. Tout hadith qui est dans Sahih Bukhari, il explique lui une façon. Prends des cuisses sur l'épaule, pour venir jusqu'à aujourd'hui, d'un épaule qui beau, qui m'a dit où aller, quand il faut qu'on Sahih Bukhari, il servit explication. Qui s'en a? Ibn Hajar, rahimahullah. Juste pour nous en comprendre, attention de même aux pensées qui ça, il m'a fait dire, il y a un grand travail, il m'a fait faire. Avant moi, il n'a plus bon. Plus bon qualité qui s'en encore et qui fait plus grand travail qui s'en chez eux. Il explique ça, il vous renie. Ça, oui, c'est une hadith. Quand il finit, explique ça, pas juste un qui m'a dit, tout seul qui n'occupe ça. Ça, un mal en entier. Prends des vies dans l'Est, d'une stade dans l'Ouest, tout ça, on connaît, c'est bien l'explication, le hadith. Ça, il vous renie, que ça, je peux aller. C'est Ibn Hajar. Mais ça, on dit, mon âme, c'est. Imaginez-nous, je prie à moi, trop bien côté eux. Faut que vous soyez un homme. C'est ça qui a été dit, mon âge au Kiyama, dans mon droit. Mais seulement un croyant, il ne va pas désespérer de lui buter Allah. Un croyant, il ne va pas désespérer de lui buter Allah. Mais à qui ça va être un dimon comme ça, dans mon droit? Quand c'est caché, vous êtes caché d'astère. Quand c'est caché, vous êtes caché là. Chers frères, cette personne n'a pas dit des causes concernant sa hadith, elle dit « Wa ma'na tatawudu fil bunyan anna kulla mimma kana yubna baytan yuridu in yakuna irtifaharu a'la min irtifari al-akhar » Il dit qu'à chaque fois qu'une personne qui arrose la case, il oule sur la case, il plie autre qui la case, ce prochain. Ibn Hajar, de seul époque, il me dit ça. À chaque fois qu'un démon avance dans la case, il roule sur la case par les plis qui est là, de Bastille. Ça veut dire, j'ai dit, moi, je suis venu jusqu'à la même, je suis sur la case là-bas, tu es là-bas, à côté, ça, ça. Il roule sur quelque chose là. Il dépose la case, hein? Il dépose la case. Ensuite, il dit, wa yuhtamal in yakun al murad al mubarra bihi fi zinati wa zukhrufa. Il dit, et aussi, l'impossible, Yuftamal, qui sent le prophète sallallahu alayhi wa sallam pénim, qui sa dimouna quand il rend sur la case, lui houler, distingue sur la case avec les autres, pour décourager pour lui mettre l'eau sur la case. Subhanallah, mais qu'il faut que nous déposions là. Nous déposons de 300, 400 pidgeries. Nous déposons 1000 bananes de cela. 1000 bananes de cela. Nous voulons distinguer moi, me distingue-moi par mon lacasse, ce décoration, me distingue-moi par mon lacasse, ce outil. C'est ça l'époque de la ministre, chef. Azodi qui nous veut vivre. Azodi qui nous veut vivre. Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il est loin? Ensuite, il contient de dire, « Waqad wujida al-kathir min balik. » Un jeune parle. « Waqad » Et certainement, Woudid al-Kathir ou Mindalim, certainement, il y avait déjà ça de sous l'époque là, certainement nous finirons beaucoup comme ça. Oh, Ibn Hajar, si toi de ton époque te trouves beaucoup comme ça, mais pour nous là qui t'es salos. Quand il arrose la case, imagine-nous quelques années de cela, quand papa, quand maman, quand t'as fait de nous, comme il a senti la telle, il a rangé la case. Regardez la case, il a rangé là. Mais en 2013, quand quelqu'un fait de nous, il a rangé la case. J'ai fait une masse de là. Je connais qui va la ranger là. Qui va la ranger. Il va pas réussir à réaliser qu'il est possible d'y avoir ça, il va pas réussir à se prendre les pas là-dedans. Sans qu'il a montré une zone ni avant. Il va réussir à réfléchir. Ça n'a pas fini d'aller là. Ça n'a pas fini d'aller là. Tout ça qui m'aurait fait là. M'aurait repris qui est mis moi de société à travers quoi? À travers la case et décoration qui m'ont mis là, le mot la case. Chers frères et sœurs, nous finir dire que nous sommes. Bansi, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mettait, excepté qu'il ne trouve, c'est un de ban réalité, qui nous va faire cause concernant ban non musulman, non. Nous va faire cause concernant ban qui loin avec din, non. Ne fait pas même sur Kakashir, din, mazif, des causes mazif, des courageux mazif, qu'il soit en temps ou bien de haut. Et nous fait cause concernant un celui qui n'a pas mérité. Quand il est en charge de quelque chose, la ligne générale, et ensuite, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam te dit non, compétition qui n'a de un rang de la case. Qui dit soit pour se hauteur, ou bien pas, pour se décoration. Oui, chers sœurs, nous disons bien. Parce que quand nous dit la réalité, parfois, il vient de sa façon-là, moi, où les distinguements pour moi, la cuisine qui m'a dit pour vous, monsieur, quand il avance la case, alhamdoulilah, à cette époque-là, il était sous les fous, il avance dans la cuisine, à Zodim, on retrouve la cuisine là pas bonne. Au fait, pas la cuisine là qui fait à mon manger une bonne. C'est ça que vous avez réalisé. Si jamais moi, tu connais le couillon. N'importe qui la cuisine, maintenant, il se parait, directeur sur le camp, ça se m'a pas compté. Mais, mon rôle distingue, moi, à travers les petites choses qui n'a. Moi, la cuisine, mon salon, nous pas petit, dire qu'on n'a pas gagné droit, loin de là. Si moi j'ai la capacité, moi j'ai le moyen, chers frères, moi bien montrer faveur à Allah subhanahu wa ta'ala, moi bien montrer. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith, quand ta faveur te robe, raconter, raconter qu'il soit par parole ou bien par action. À l'un de moi, je sais dire. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala finit de moi sans me faire défense descendre, qui m'aurait fait alors? Qui m'aurait fait? Ensuite, tu vas vous dire, ah, il y a la vie, dit, hein, avec un jeune débout. Mais tu as une troisième goutte de toi. Tu as une troisième goutte, tu as une troisième goutte. Une dépense pas encore finie, tu as une souffrance. Souffrance pas encore finie, tu as une souffrance. Tu as une souffrance. Combien vous dites, tu vas vous dire encore? Dernier, ça qui est avec nous, chers frères et sœurs, dernier, ça qui est avec nous, c'est comme un grand matin. Nous sommes à la ligne radio. Grand matin, nous sommes ouverts à la gazette. Ou bien, le ban nouvelle de n'importe qui façon nous gagner. C'est une des bonnes petites choses que nous avons. De femmes maurices qui nous fait vivre là. Si il n'a mis sa quantité là. Et qu'on nous fait dire maurice là. Chaque fois que je demande qui est où j'ai resté à maurice, je dis à maurice, on va compter à maurice là. Non. On va nous dire, elle dit nous qu'on dit rester. C'est pas un enfant de ce iman qui compte sa place là. Mais seulement la cause réalité qui nous vit, pour pas faire qu'à l'étranger, je peux trouver qui est n'a pas le monde pas mettre Maurice. Pas mettre. Il met sa relation à Indien, pas trop Maurice là-dedans. Il faut dire que vous venez Maurice ici, bah, vous avez besoin de représenter Maurice. Il n'est pas trouvé. Prends ça Maurice là pour l'Occident de Madagascar, qui l'est représenté. Prends ça Maurice là pour l'Occident de Madagascar, qui l'est représenté. Prends ça Maurice là pour l'Occident d'Australie. L'île, là, il va cause l'île. C'est une question venue plus grande l'île qu'il y a dans le monde, c'est l'Australie. Prends à Maurice, la cause l'île en Australie. Qui l'est représenté? Quand c'est même bien dit. Moi qui fais croire un grand monde au la terre. Mais dans mon vérité, le la terre, quand c'est mon franc, c'est parce qu'il m'a déclaré qu'il y a une France, c'est un mon franc, le la terre. Faut dire que moi, non, c'est le la terre. Mais c'est ça, déclaré qu'il la même. Prends à Maurice, là, cause l'île de la Russie. Que tu m'as dit, chef? Quand nous étions, nous pouvons croire à grand petite chose là, nous pouvons dire. Et la Terre, c'est un des 26 planètes qui existent, ça. La Terre. T'as des petits mots de petits alors. Comparé aux autres planètes qui reboulera la mine, une très, est sûre. Planète Terre n'est pas représentée même en la poussière de sa galaxie qui a l'incré. Il n'est pas représenté même. C'est un petit mot de petit chef. Parce que ça, Maurice, c'est comme il dit. La cause, ça, c'est un peu de Maurice. Imaginez-nous qui, grand matin, qui nous levait, le un laps de temps, de pas plus que trois jours, qui nous pantane, et n'a crime. Et n'a crime. Mais il est tué sans aucune raison. Vous êtes capable de naguer, une seconde, une oui, oui. Prenez une barane, c'est bien avant. De prendre votre pays, c'est une fois là, c'est une façon de payer. Mais seulement, les temps où la raison, est-ce qu'il tu viens de lui dire? Est-ce qu'il a ça? Quand ma tête, Jimmy, on était ouvert la gazette, on trouvait un Zénès 20 ans, une bataille du monde 58 ans, jusqu'à Balimbo. Après une semaine, des semaines, il est quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire pour arriver à l'époque, que tu as dit que tu fais criminel quand tu as dit que tu fais un il les épaules au haut. Il n'y a pas de mais ça n'est pas de même. Il n'y a pas de qui fait un tout. Quand tu demandes la personne qui est tuée, à des fois comme ça, ou à un marteau veut dire celui qui est tué. Quand tu as dit que tu fais un tout, tu as dit que tu fais un tout. Chers frères et sœurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit des hadiths qu'il trouve dans sa Sahih Bukhari, rapporté par Abu Hurayra radiallahu anhu, il dit Min ashraf al-sa'a an yuzhara ash-shuhr, parmi 26 qiyamah, cri pour vivre yuzhara. Vous voyez quelque chose trop au clair, ça, trop vivant. Je tout fait témoigner à ce qui dit ça par parole des politiques. Le qiyamah va pas arriver. Dans ça qui chose, ça parvient au clair. Comment dire qu'on se lit, il est moins de plus troublé. Longtemps, ça nous tente un crime. Il y a un crime d'un endroit, parce que ça nous pas tant de crime. Si tu n'es pas troisième personne, maintenant que tu es une personne, là, nous trouvons ça drôle. Une sans aide. Une sans aide. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, chef frère et sœur, qui trouve de Sahih Bukhari pareil, il dit. Parmi 25 qiyamah, il y a des paroles de Zaman. Enfin, Inch'Allah, la prochaine fois, nous venons avec lui. Quand nous trouvons dans l'époque pécostée, voyez le pachor, et que vous trouvez un à l'autre, criminel de l'un, un après l'autre. Le corps. La qiyam. La qiyam veut dire zoen. Veut dire un criminel, le crime après lui, le crime après lui. Il y a les mêmes comme ça. Il y a les mêmes comme ça. Chers frères et sœurs, comment nous dire pour nous terminer pour aujourd'hui, veut dire que nous prenons un hadith, nous retournons dans l'époque celui qui fait cause. Dans l'époque celui qui fait cause, quand on roule, est-ce qu'il finit déjà un crime? Crime, crime. Pas de moi, ou une des arts. Une des arts, il est quand un juif titulien, un jeune fille. Et là, je suis une choquée quand on a une fête de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui fait un jugement, Allah subhanahu wa ta'ala descend dans leur puissance. Je veux dire, pour bien sauter le coup. Mais seulement, pendant 10 ans qu'il est dans Madina, une action, un. Là aussi, en tant qu'un prophète, toute action, disait par de sur l'époque, qui fait. Pour qui, devant l'époque, après, quand arrivé, nous connaissons comment bien. Comment bien faire la cause ça. Il ne faudrait pas vous penser qu'il y a une époque comme ça, ou bien nous prendre l'exemple. Quand Hadith, Abu Hurayra, radiallahu anhu, Jiaou, comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sommet une café avec rayon de soleil. Un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sommet une café avec rayon de soleil. Première question qui vient de nous la tête, c'est quoi? Une de omis, donc il rate? Il rate pas bien. Tant je dis, mais quoi, on rate pas bien? Le prophète, déjà, rayon de soleil. Moi, au moins, avant de soleil, les rayons de soleil cassés là. Non, non. Ça qui n'arrive dans seul époque, le lit, en tant qu'un prophète, les gens enseignent tout, oui, non. Ils vous enseignent tout. Soit ils enseignent pour sa parole, ou bien pour sa action. Donc, de là, quand ils nous levaient, ils nous disaient au village de la zone. Ils nous disaient, vous, ils nous faisaient sous neuf, ensuite, ils nous faisaient l'infer para. Ce hadith, ça qui te montre nous, si un poil ou 10 ans, nous sommes in un castor, ensuite nous un dimon qui a habité faire des sunnahs avant Faza, pas alte faraza dessus. Faites des sunnahs avant, à la récompense au Paris. Ça qui me montre nous là-dedans. Pas me montre nous capables de dire pousse Faza jusqu'à 7 ans ou lever, hein. Non, non, non. Ça pas la question pas venir là, non, non. Mais en tant qu'un prophète, il est bien parlé de sa situation-là, pour qu'il soit au moins continué après, je connais comment, comment vous êtes arrivé, arrive, je sais l'occasion-là. Parce qu'il dit, quand est-ce qu'il nous connaît, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui est arrivé sa situation-là, une seule fois de cela. Pendant 63 ans, une seule fois de cela. Moi, pendant 63 ans, une seule fois de mes premiers takbir fajr. On a une différence, on se perd ou non? Moi, je peux croire qu'il n'y a pas déjà ce jour-là. Oui, l'action, il prend place, chers frères et sœurs, mais seulement en tant qu'un prophète qui vient la conseille, conseille-nous comment faut faire. Donc, nous retournons avec ça à l'époque-là, obligément, moi, qui n'arrive prime, mais obligément, oui, mais seulement qui n'arrive lui qui fait. La cause pour nous inconnus, si demain, tu vis dans une époque qui arrive, ça action-là, comment besoin agir. Mais ça qui est avec nous, chers frères et sœurs, c'est quoi? Ya Rasulallah, de te 10 ans qui t'as dans Madina, un seul fois, ben là, il vient, il dit, toi, ça, madame, là, qu'une tue, ça suffit là. Un seul fois, ben là, il vient, il dit, ça. Azodi, qui nous veut vivre. Azodi, chers frères et sœurs, ça mourit, ça. Nous prendis. Si j'ai nous un pays comme la Russie, il n'a pas un groupe qui appelle Skinhead. C'est mon anglais, hein. Vous devez vous m'aider à ce que j'ai dit à vous aujourd'hui. Je vais passer depuis que je prends des noms de pour vous autres. Si vous pays, vous avez comme écrit, vous n'arrivez pas aux autres. Comme devant vous, devant les autres pays, il y avait comme écrit, il y a comme ça. Si Maurice, comme on a même gagné ça à travers l'information, comme il faut dire dans nos pays même, nous avons dit qu'il y a un écho en décomposition, après ce pas communiqué dans, on vient de gagner ce qu'il y a. Mais dire que le climat est passé avant ou non. Si ça, dans Maurice, ou TNI, dans l'Est, pendant le milieu. Il y a un livre comme ça. Nouvelle langue. Si ça, après comme il est temps qu'il y a un récit à inconnu, après comme il est temps qu'il y a un inconnu, il y a un crime déroulé. Mais des crimes, tu les sens cachés. Mais devant les autres pays, là, comme les crimes, ils étaient cachés comme ça. Parce que ça va nous aider, ça va partir du disque de Maurice. À chaque fois, quand je suis dans le pays de Maurice, nous avons déjà vu avec criminalité au quotidien. Hadith pas qu'il existe dans Maurice, la connerie dans Maurice qui nous fait prendre ça. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit chef frère, il prend ça les mondes là, complètement. Mais comme les crimes qui allaient à l'os. Est-ce qu'il m'a coupé trop? Imam Mahdi bien loin. Qui commence par Imam Mahdi, c'est un point là. Nous n'avons dit Imam Mahdi, chef frère, parce que c'est seule personne, le salémon là, qui pourrait mort, Isa alayhi salam, infini des âmes. C'est cette personne de Salomon. Isa alayhi salam, pour finir de ma vie, personne ne peut connaître ça, excepté comment il débute pour faire comment il vient à l'oreille pour dire, ben nous salut de ça, de ce gosse qu'il trouve, Isa alayhi salam, de débute, et comment ça fait ça prend place, chers frères et sœurs, attendre qu'après les prochaines 40 années, excepté que Salomon n'a pas fini complètement. Quand on finit, chers frères et sœurs, Inch'Allah, la prochaine fois que nous besoin, toujours après Isha, mais Isha, pour venir un petit peu plus tard, puis aucun doute, c'est lundi, le 11 novembre, Inch'Allah, après Isha, nous vous continuons à parler. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.